Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Manu pour La Note en chantant. La Note en chantant, votre rendez-vous avec les plus grandes voix françaises. Alors passez votre soirée une fois par mois pour ce rendez-vous avec la chanson française. Un rendez-vous mensuel donc sur votre radio et aussi à retrouver en podcast. Pour cela, n'hésitez pas à retrouver et même à liker la page Facebook de l'émission @ La Note en chantant. Émission du mois de janvier, et oui, la première émission de l'année. Et permettez-moi de vous souhaiter cette bonne année, justement, tous mes vœux pour l'année 2026. Et pour commencer ce programme musical, on va faire comme un flashback, un retour en arrière pour parler en français, avec hélas des disparitions des chanteuses qui nous ont quittés en cette fin de décembre, le 27 et le 28. La plus connue, bien sûr, la plus emblématique, c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, également désignée sous les initiales BB, ou initiales BB, mise en chanson par un certain Serge Gainsbourg. C'est une actrice, mannequin, danseuse, chanteuse militante des droits des animaux et écrivaine française. Elle était née le 28 septembre 1934 à Paris. Elle nous a quittés le 28 décembre 2025, et oui, c'est tout récent, à Saint-Tropez. Pour lui rendre hommage, hommage en musique bien sûr, avec trois titres, presque quatre. Trois titres. Le premier, ça va nous donner un peu de soleil, ça va nous donner de la chaleur. Voici justement ce titre, Le Soleil, c'était en 1966, Brigitte Bardot. La Note en chantant sur votre radio. Le soleil, que c'est bon quand il vient me brûler la peau. Je suis bien étendue le fin, toute nue, le soleil, que c'est beau quand il joue avec les bateaux sur la mer. Clair en diamant, ils pourront revenir, les blancs nuages, moi je vais m'endormir sur cette plage. Là-haut me préviendra bien assez tôt et j'aurai tout le temps d'avoir des regrets, mais avant emmener dans le sommeil par le chaud de l'été au grand soleil, le soleil, que c'est beau. Thank you.

vont faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Voici pour ce clin d'œil, cet hommage en trois titres pour Brigitte Bardot. Elle avait fait une cinquantaine de films, de la musique bien sûr. Et pour presque lui rendre encore un dernier hommage, je vous propose celui d'écouter celui qui avait fait justement, qui avait mis en lumière, qui avait mis en onde, en chanson, ses initiales BBI, avec bien sûr cette interprétation de Serge Gainsbourg. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beautée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Pour cette interprétation de Serge Gainsbourg, Initial Baby, tout simplement. Autre hommage, celui à Fanny, jeune chanteuse à l'époque, dans les années 90. Elle nous a quittés, elle aussi, en cette fin de décembre. Elle nous a quittés le 27 décembre, une journée juste avant Brigitte Bardot. Elle était née le 16 septembre 79, un mois de septembre, tout comme Brigitte Bardot d'ailleurs. Elle était née donc à Sète, dans l'Hérault. Je vous propose de l'écouter, bien sûr, avec deux titres. Mais aussi, on peut revenir un peu sur son parcours. Elle s'est fait connaître pour sa reprise à 12 ans de la chanson d'Edith Piaf, L'homme à la moto, après avoir été révélée dans l'émission Sacrée soirée de Jean-Pierre Foucault en 1991. Elle a représenté aussi la France lors d'un concours de l'Eurovision. C'était en 1997 avec le titre « Sentiment songe ». D'ailleurs, elle s'était classée 7e sur les 25 pays participants. Elle avait sorti aussi un album, même 4 albums, dont Fanny, disque d'or et contenant la chanson à succès « Un poète disparu » que j'aurai le plaisir de vous diffuser dans quelques instants. Notamment et deux hommages à Edith Piaf et Georges Brassens dans cet album. Voilà, pour l'écouter, je vous propose justement L'homme à la moto, cette fameuse reprise qu'il a fait connaître de Edith Piaf. La note en chantant sur votre radio. Edith Piaf, cette belle reprise de L'homme à la moto par Fanny, et pour lui rendre un second hommage à Fanny, je vous propose justement cette chanson « Un poète disparu », c'était aussi sorti en 1992. Vous écoutez La Note en chantant, c'est l'émission numéro 96 sur votre radio. de lui à la rentrée dernière. C'était un jour de pluie dans la cour secondaire. Il portait un manteau comme tous les étudiants. On lui aurait donné à peine plus de 20 ans. Il est entré en classe, il est venu s'asseoir comme les élèves en face de ce vieux tableau. Voici pour cet hommage à Fanny. Un petit clin d'œil justement, puisqu'on parlait de l'Eurovision qu'elle avait fait. Je tiens aussi à faire un clin d'œil, à faire un coucou à Naya, qui elle aussi avait représenté l'Eurovision pour la France, bien sûr. C'était en 99 avec le titre « Je veux donner ma voix ». Je la remercie toujours pour mes voeux de la bonne année dans l'émission du mois de janvier, puisque le générique, c'est la version instrumentale d'une de ses chansons. Allez, je vous laisse deviner laquelle. On continue notre programme musical qui, j'espère, vous appréciez justement toutes ces mélodies. Autre clin d'œil, mois de janvier, bien sûr, on pense à Daniel Balavoine. Daniel Balavoine était né le 5 février 1952 à Alençon. Petit coucou, passage, tiens. Petit coucou, petit clin d'œil, puisqu'il est normand. Voilà, au passage. Je dis ça, je dis rien. On l'a bien sûr connu sur toutes ses chansons, notamment. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? L'Aziza. Allez, on va faire ça avec l'Aziza, l'un de ses derniers titres qui d'ailleurs était sur son album Sauver l'amour. Hein. C'était écrit en 1985, écrit et composé pour son album Sauver l'amour. Avec cette chanson, Daniel Balavoine rend hommage à son épouse Corinne, d'origine juive marocaine. La chanson sort en single le 14 octobre 85 comme premier extrait de l'album et entre au top 50 le même mois. Le choc causé par le décès tragique de Daniel Balavoine le 14 janvier 86 augmente considérablement les ventes du single, ce qui lui permettra de se hisser en tête du top durant 8 semaines consécutives et de se vendre à plus d'un million d'exemplaires, devenant la meilleure vente de ce single du chanteur Daniel Balavoine. On l'écoute tout de suite. Thank you. Voici pour ce clin d'œil annuel en ce mois de janvier à Daniel Balavoine. Je vous propose d'enchaîner avec une autre chanson, et cette fois-ci, pas de Daniel Balavoine, mais de Catherine Lara. Aïe oh, aïe oh, c'était sorti en 88, et quand on écoute bien cette chanson, si on suit bien le texte, est clairement un hommage à Daniel Balavoine, car il y a des allusions très nettes reprenant les titres de ses chansons ou de ses albums comme La veuve qui s'éveille, Les yeux lourds, Elle va de face amère en face amour, Tu l'as fait pour tes frères, Dieu que c'est beau, ou bien un jour il faudra bien sauver l'amour. Voilà pour ce clin d'œil par Catherine Lara sur Daniel Balavoine, et je vous propose de l'écouter tout de suite sur votre radio. Vous écoutez La Note en Chantant, l'émission dédiée à la chanson française, toute génération. Yeah! Vous êtes avec Manu pour la note en chantant, première émission de l'année. Meilleurs vœux, tous mes vœux pour cette nouvelle année qui, j'espère, vous sera musicale sur vos radios. Et pour enchaîner après Catherine Lara, on va faire un peu avec deux titres. Un peu dans le comique, on va dire. On va se détendre. Et oui, il est encore temps de profiter du bon temps. Entre une galette, bien sûr, galette des rois. Hein, voilà. Qui a eu la fève? Peut-être vous, peut-être moi. Je l'ai déjà eu. Bon, voilà, comme ça, vous savez tout. Je suis gourmand. Alors, certains vont dire que c'est un peu kitsch. Mais bon, on va quand même les écouter, ces deux titres. Tout d'abord, le grand cinéma. C'est le nom de cette formation. Avec la participation du Briton Pujol, et pour quel bruit, hein, bah, vous allez tout simplement écouter. Voilà, j'en bafouille. Allez, fais-nous Tarzan. Fais-nous Tarzan, première. Moteur. Mon avion qui s'est planté là, dans la jungle, je suis paumé. Le nez en bas, la queue en l'air, mais qu'est-ce que je fous dans cette galère? Si elles vlatent deux lions affamés, c'est sûr, je vais me faire bouffer. Mais qu'est-ce qu'elles ont ces deux nanas à me regarder comme ça? Regarde un peu, c'est un homme, il a l'air plutôt chouette, en chaussettes, en basket. Qu'est-ce qu'elles disent? Le vrai, il part aux éléphants. Il boit fruité, il est musclé. Je l'ai vu l'autre jour à la télé. Il a sa jeune et sa guenon. Moi j'ai Ginette à la maison. Et dire qu'elle me croit dans l'avion, à la chasse aux papillons. Laisse un peu tomber Ginette. On va faire la fête tous les deux, tous les trois. Ok, d'accord. Ton chapeau est beaucoup trop grand. Tu serais bien mieux sans. Alors je l'enlève. Elles ont des clingues et ma boussole. Pour un looping, c'est réussi, c'est décidé, moi je reste ici. Pas de DF, pas de MLF, la vie à trois, ça c'est bien mieux. Alors là, je peux dire mon vieux, moi 14 ans, être vraiment heureux. Oui, c'est la joie et la bonne humeur, c'est de l'humour hein, avec ce titre. Autre titre un peu plus léger aussi, Eric Miller, toujours dans les années 80. On était avec Fais-nous Tarzan en 82. Là, je vous propose ce titre de 1984. Nous, on rêve. La note en chantant sur votre radio. danser, s'éclater, c'est comme ça leur exode. Je vois une fille dans la rue, elle me regarde, me sourit. Elle ressemble à une starlette, c'est comme dans un vieux journal. D'ailleurs, le glamour, c'est comme la dentelle. C'est surtout là-haut, tout se passe dans la tête. Voici pour ce moment d'humour, ce moment de détente avec ces deux titres et continuons justement avec les années 80. Je vous propose d'écouter Mylène Farmer avec cette version remixée de Sans Contrefaçon. Thank you. Il est pas mal, hein, cette version remixée, cette version club de Sans Contrefaçon par Mylène Farmer. Et enchaînons pour un tout dernier titre. Un tout dernier titre interprété par Elsa. Elsa Languini, son nom complet. T'en vas pas. La note en chantant sur votre radio. Si tu l'aimes, dis-le. comme vous avez pu le remarquer, ce titre de Elsa est tout simplement une version remixée de T'en va pas. C'était sorti en 1986. Voici pour conclure cette émission et tout de suite le générique pour vous faire le rappel de tous les titres que vous avez pu entendre. Oui, il n'y avait pas eu de thème particulier dans cette émission du mois de janvier, quoique on a quand même fait la prolongation des fêtes avec quelques titres, mais aussi des clins d'œil, hommages, bien sûr à Brigitte Bardot avec Le Soleil, Nu au Soleil et La Madrague, et dans la continuité, Serge Gainsbourg avec Initial Baby. Autre hommage à Fanny, L'Homme à la moto et un second titre, Un poète disparu, Daniel Balavoine. Bien sûr, au mois de janvier, il nous avait quitté en 1986, en ce début de l'année 1986. Je vous ai proposé le titre « L'Aziza ». Catherine Lara, avec un petit clin d'œil aussi au passage à Daniel Balavoine. Ayo, pour continuer, le grand cinéma et le bruiteur Pujol pour Fais-nous Tarzan. Eric Miller pour ce titre Nous, on rêve. Mylène Farmer sans contrefaçon. Et Elsa Languini pour ce titre T'en va pas. Et pourtant, moi, je m'en vais. Il est temps pour moi de laisser la place à la suite de vos programmes. Je vous propose de retrouver l'émission prochainement en podcast sur la page Facebook de l'émission @lanoteenchantant. Et bien sûr, retrouver pas mal d'informations, les playlists. Et on se dit tout simplement au mois prochain, tout simplement le mois de février. Belle écoute de vos programmes. À bientôt. Ciao, bye bye. C'était Manu pour La Note en chantant.